Salut tout le monde et bienvenue sur La POC, votre podcast thématique de hockey au Québec. Je vais gagner votre animateur et avec moi, Jerry Goodbout. Hey, bonjour, bonjour. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, ça va bien. Du hockey, ça va bien. Ça fut une semaine des plus enlevantes. Lundi, on était censé enregistrer. Empêchement d'horaire. Finalement, on fait comme, bon, ben écoute, ça sera lundi prochain. Et le Canadien de Montréal a décidé mardi, le 14 février, jour de la Saint-Valentin et de mon anniversaire de couple, de congédier, mettre fin à sa relation avec Michel Therrien et d'embaucher par le fait même Claude Julien. Fait que nous voilà, on enregistre un show. On n'avait pas le choix. Nous sommes au moment de l'enregistrement, le 15 février 2017. Dans les derniers jours, là, dans la situation du Canadien de Montréal, on revient tout le temps sur les derniers matchs. Eh bien, le 31 janvier dernier, pas le 31, hey, écoute, je recule ben trop loin. Non, même pas. C'est tout ça? 31. Ben oui, 31. Donc, match contre les Sabres de Buffalo. Victoire de 5-2 du Canadien de Montréal. Ensuite, le 2 février, on a eu une défaite contre les Flyers, 3-1. Ensuite, contre Washington, une défaite de 3-2. Ensuite, Edmonton, 1-0, défaite en tir de barrage. Après ça, mardi, le 7 février, défaite de 4-0 contre l'Avalanche. S'en est suivi une victoire en prolongation contre les Coyotes de l'Arizona, 5-4. Et une fin de semaine de 2 matchs en 2 jours, défaite de 4-2 contre les Blues de Saint-Louis et 4-0 contre les Bruins de Boston. Et à ce moment-là, Claude Julien était déjà plus à l'emploi de la formation des Bruins de Boston. Et là, ben, le Canadien de Montréal, cette semaine, est en ce qu'on appelle maintenant la bye week, donc une semaine de congé. Alors, il n'y a pas de match depuis dimanche dernier, justement, le match contre les Bruins de Boston. Ça nous amène à une fiche pour le Canadien de Montréal au classement. Toujours premier de sa... De son spot, là, ça commence à être complexe, la situation du Canadien de Montréal, parce que le Canadien a en ce moment 58 matchs de jouer. Et donc, il a 4 matchs de plus de jouer que ses plus proches poursuivants dans l'Atlantique, qui se nomment les Sénateurs d'Ottawa, mais n'a que 6 points devant eux, 70 contre 64. En série, jusqu'à maintenant, dans l'Atlantique, t'as les Bruins de Boston ensuite avec 64 points aussi, mais 58 matchs de jouer. Dans la métropolitaine, Washington, Pittsburgh et Columbus sont dans les séries avec respectivement 84, 77 et 75 points. Et les Wildcards sont les Rangers de New York et les Maple Leafs de Toronto dans l'Est avec 75 et 63 points. Ce qui fait que si le Canadien de Montréal finit premier dans l'Atlantique, ils affronteront l'équipe la plus forte dans le wildcard, ce qui veut dire une formation qui a plus de points que eux. Dans l'Ouest, dans la centrale, Minnesota, Chicago, Saint-Louis sont en série avec 80, 75 et 63 points respectivement. Pacific, San Jose, Anaheim et Edmonton, 73, 70 et 76 points. Et les wildcards sont Nashville et Los Angeles avec 62 et 60 points. J'ai comme plus d'air. Jerry, viens à ma rescousse. C'est un résumé, effectivement, assez intense. Donc, moi, ce que je retiens maintenant, c'est pas beaucoup de victoires. Non, dans la série de matchs entre là et le dernier show, pas beaucoup de victoires. Et, écoute, pour m'hydrater, pour reprendre mon souffle, tradition oblige. On drink aujourd'hui avec une Rolling Rock, qui est une premium beer. Issu de Saint-Louis. Ah, toujours agréable. Moi, j'ai pris ma bière en mangeant. Bon. Et je bois de l'eau. Ah, t'es soft, mon Jerry. T'es soft. Je suis soft, effectivement. Écoute, on tournera pas à côté, alentour du pot trop longtemps. Le sujet principal du show sera, et ça ne sera pas une surprise pour personne, le congédiement de Michel Therrien et l'embauche de Claude Julien. Je veux savoir, d'entrée là, de jeu, en levée de rideau, en début de show, pour commencer, t'en veux-tu des synonymes, j'en ai? Je veux savoir tes impressions à propos de ce mouvement de personnel de la part de Marc Bergevin. Ben, en partant, je sais pas si vous vous souvenez, au dernier show, on a eu une question d'un auditeur qui saura se reconnaître. Oui, effectivement, parce que je m'en souviens plus c'était qui. Il nous avait posé la question à savoir si on gardait Michel Therrien, si on prenait Claude Julien ou Alain Vigneault, parce que c'était trois anciens coachs et coach actuel. Ce qui est un peu bizarre, parce que présentement, il y en a un qui c'est un ancien coach, mais c'était l'actuel. Bref. c'est vrai, hein? C'est tous des anciens coachs qui étaient, qui sont et qui maintenant étaient, écoute, c'est compliqué, des anciens et des nouveaux coachs canadiens. Là. C'est comme la valse des ex. Effectivement. Et j'avais choisi Claude Julien. En même temps, Vigneault a une job déjà, tu sais. Oui, non, oui, c'est sûr. Mais, je veux dire, peu importe, j'aurais pris Julien pareil. Donc, je cacherai pas que je suis content. Puis en même temps, faut pas oublier que Julien, tu sais, Claude Julien 2017 n'est pas le Claude Julien 2003. Il y en a plus derrière la cravate. 10 ans avec les Bruins, ça donne c'est la stabilité même. Et bon, équipe Canada dernièrement, il a gagné une Coupe Stanley. Il est très. Moi, personnellement, je trouve qu'il est très différent de Michel Therrien. Fait que ça va faire du bien d'avoir du changement là-dessus. Non, c'est peut-être pas le plus vocal. Là, je parle vraiment côté média. C'est pas lui qui va être le plus charismatique. Mais moi, je m'en sacre, honnêtement, là, qu'il soit pas charismatique devant les médias, je m'en fous bien. Mm-hmm. Mais Claude Julien est clairement antipathique là, pour la foule. Là. Il a pas de charisme. Il a pas l'air sympathique pour. C'est le genre de gars que la pression populaire va rapidement rattraper parce que, ben justement, il n'y a pas cette sympathie-là du public. Il ne réussit pas à conserver des points après auprès des gens grâce à ses envolées lyriques ou à son petit côté charmant. Ou il n'y a pas ça, lui-là. Là. Mais en même temps, s'il fait gagner le club et qu'il appelle une Coupe Stanley à Montréal, là, j'extrapole vraiment beaucoup. Là. Mais si ça arrive... On va tout s'en sacrer rien qu'un peu. Exactement. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs du côté de Boston, hein, parce que la foule tripait pas, les médias non plus au départ. Il a amené une coupe, après ça, les partisans étaient conquis. Puis là, ben c'était les dirigeants après. Là tu sais, tu dis, c'est plus le même Claude Julien. C'est totalement vrai. C'est un gars qui est pas mal plus aguerri. Il a plus de vécu, il a plus de parcours. Mais la pression montréalaise, là, ça y fait plus peur. Là. Ça fait 5 ans que c'est plus un DG qui l'a mis en poste puis qui voulait le voir partir. Ça fait des années que Cam Neely fait de la pression pour pouvoir le tasser. Tu sais, il a résisté vent et marée là, du côté de Boston. C'est un gars qui est aguerri, puis la pression de Montréal, là, c'est un petit char. Là. Ça ne l'inquiétera pas. Là. C'est en plein ça. Puis tu sais, on va se le dire, le gars a choisi de venir à Montréal aussi. Oui, je sais qu'on dit souvent ça. Il y a les cassettes aussi qui embarquent. Mais il y a eu sa conférence de presse, dans le fond, aujourd'hui, le 15 février. Et il y a eu un... J'essaie de retrouver le petit texte. Il avait dit dans le sens qu'il était pas pressé de revenir, qu'il se donnait jusqu'au printemps pour choisir une équipe. C'est pas vraiment une surprise qui a été contactée par les Golden Knights, probablement, même si je pense qu'ils ont jamais rien fait référence à ça, mais c'est évident. Il avait été aussi contacté, ça a l'air, par d'autres équipes. Puis le Canadien, justement, a comme attiré son attention. Puis c'est un peu ça qui l'a comme remis sur les rails assez rapidement, même si on le sait que Claude Julien se chercherait pas un job très très longtemps. Ça, pour moi, je trouve ça quand même le fun parce qu'il arrive ici, justement, en connaissance de cause. Il sait c'est quoi Montréal, puis je pense qu'il va être capable aussi de... Dans le fond, il sait qu'est-ce qu'il y a à apporter à Montréal. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ses trios parce que moi, personnellement, le plus gros problème que je reprochais à Michel Therrien, c'était la valse des trios. J'étais tanné, pour vrai, j'étais plus capable, puis j'ai eu quelques discussions avec des gens dernièrement qui me parlent de Galchenyuk et de sa défensive poreuse. Honnêtement, là, si tu fais jouer le gars à l'aile 12 minutes, quand c'est clairement un centre top 6, sur les deux premiers trios, je veux dire, t'as de la misère à gérer le jeune. Je me fous de ce qui se passe hors glace personnellement. Là, oui, là, il y a des rumeurs qui arrêtent juste plus en ce moment sur Gatchenk et Beaulieu. C'est la bye week, comme tu as dit tantôt. Et il y a eu une photo de Gatchenk et Beaulieu qui s'envolait pour la Floride. Et on se souvient l'année passée à quel point les photos de Piquet-Subban amenaient des discussions enflammées. C'est la même chose pour cette photo-là. Je ne comprends pas à quel point on peut vouloir se débarrasser d'un jeune centre qui a un potentiel de 30 buts par saison. J'ai hâte, pour venir sur le fait de Claude Julien, j'ai hâte de voir ce que lui va faire avec ce... Je ne veux même pas appeler ça un problème, parce que je trouve pas que c'est un problème d'avoir un jeune centre de 23 ans qui est capable d'en mettre 30 dans le net. J'ai juste hâte de voir, hein, qu'est-ce qu'il va faire avec, qu'il va leur mettre avec Radulov, Pacioretty. J'ai hâte de voir comment il va gérer ses trios. Sa défensive va-t-il être différente? Patterson, d'après moi, va rentrer dans le top 6 assez rapidement. J'ai vraiment hâte à la game de samedi, pour vrai. Là. Je suis en train de me dire, il va-tu rester du sujet pour tantôt? Là? Je me sens que t'es en train de tout brûler en même temps. Je garoche parce que ça me passe dans la tête. Mais pour vrai, non, je suis vraiment... Moi, personnellement, je suis vraiment content. C'est sûr que mon coach idéal, pour moi, c'est Barry Trotz, mais on va faire avec l'autre Julien, pour vrai. On va faire avec. D'ailleurs, tantôt, tu as parlé de qu'est-ce qui a attiré Claude Julien. Ben, le salaire risque d'être une pas pire source de réponse. On parle de 5 ans. À partir de la saison prochaine. Donc, cette année, donc les restants de saison, là, les 20-quelques matchs qui restent à disputer. Et après ça, 5 autres années. Et Pierre Lebrun qui a tweeté qu'on parle de 5 millions en moyenne par saison. Ce qui le positionne, selon ce que lui sait du marché des salaires des entraîneurs, derrière Babcock avec ses 6,25, Kenville à 5,8. Et après ça, t'as Claude Julien. Donc, tu sais, quand tu te fais offrir un pont d'or de cette sorte-là, une stabilité, tu sais, 5 ans, c'est énorme dans la Ligue nationale. Ça veut pas dire qu'il va rester là 5 ans, non, mais... c'est ça. Mais le Canadien est capable d'assumer le fait de payer un coach à pas être là, tu sais. C'est pas un problème, les finances chez le Canadien de Montréal, là. Puis en plus, le salaire du coach, puis en fait, tout le coaching staff, ce qui est cool dans la Ligue nationale, c'est que ce n'est pas comptabilisé sur la masse salariale. Donc, en tant qu'équipe riche, tu devrais en profiter, aller chercher un maximum de connaissances et d'hommes de hockey pour pouvoir encadrer tes joueurs et en soutirer le meilleur. Logiquement, tu sais, si t'as le plus de budget, tu devrais être capable de t'offrir les meilleurs gars. Donc, il y a peut-être une source de réponse de ce côté-là. C'est sûr. Après ça, t'as parlé de... Écoute, j'essaie de me remémorer tout ce que t'as dit. T'as parlé de le fait de faire jouer Alex Galchenyuk à l'aile. Moi, j'ai pas de problème en tant que tel, tant qu'on l'utilise à profusion. Que ce soit à l'aile ou au centre, il est top 6, fais-les jouer top 6. Je peux pas croire que dans l'alignement du Canadien de Montréal, dans les derniers matchs, là, OK, Alex Galchenyuk a été devancé dans la hiérarchie des centres par Tomáš Plekanec, qui a genre 3 points dans les 40 derniers matchs. Là. Ensuite, il a été devancé par David Desharnais, qui, le match d'après, a été benché, qui a été dans les estrades après. Il a passé de blessé à troisième trio, à première ligne, tout ça, puis à retourner dans les estrades, tout ça dans 4 matchs. Tu sais, quand on parle de jongler avec ses trios, c'est pas mal ça. La stabilité, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit apporter chez le Canadien de Montréal. Ce qu'on va surtout, moi, je pense, voir, c'est une transformation de qui est en danger dans cet alignement-là. Et quand je parle de danger, c'est qu'il y a des joueurs qui, en ce moment, chez le Canadien de Montréal, avaient, avec Michel Therrien, avaient des passe-droits. Il y a certains joueurs qui étaient des chouchous. On peut parler ici de David Desharnais. On peut parler de Tomáš Plekanec. On peut parler de La Rose. On peut parler de certains joueurs comme ça, de Paul Byron, des Torrey Mitchell. Tu sais, certains joueurs qui cadrait parfaitement dans le style de Michel Therrien qui, peu importe leur production offensive, peu importe leur façon de jouer, était assuré d'être dans l'alignement. Peut-être moins dans le cas de David Desharnais, mais les autres, là, on dit pas trop de menterie, là. Ce que moi, j'ai hâte de voir, c'est quels joueurs qui vont débarquer de cette liste des chouchous et qui vont embarquer. Parce que veut, veut pas, un entraîneur de la Ligue nationale qui reste longtemps avec son équipe va finir par établir des relations, des affinités avec des joueurs et ça va finir par avoir un poids, veut, veut pas, sur l'utilisation de ces joueurs-là. J'espère que Alex Galchenyuk va réussir à faire ce qu'il faut pour tomber dans les bonnes grâces de Claude Julien. Et j'espère qu'un gars comme Tomáš Plekanec, lui, va débarquer, tu sais. Je rêve au jour où Claude Julien va bencher ou mettre dans les estrades Tomáš Plekanec. Ouais. Pour vrai, là. Moi, je rêve à un réalignement là, de la première ligne avec Pacioretty, Galchenyuk et Radulov. Cette ligne-là est digne des meilleurs clubs de la Ligue nationale. Après ça, ça se gâte, mais le fait de compléter les ligues suivantes te coûte bien moins cher que de combler le poste de centre numéro 1 avec un joueur venant de l'extérieur, soit via transaction, soit via joueur autonome. D'ailleurs, cette saison, on pourra pas, là. Ça va être cet été. Fait que pour le bout en série, moi, je préfère, et de loin, que ta solution pour le centre de premier trio soit à l'interne en Galchenyuk, que de devoir vider d'autres choses et aller chercher un centre à l'extérieur. Non, c'est surtout aussi que une question de... Galchenyuk, là, ça fait 5 ans qu'il est dans la Ligue nationale, OK? 5 ans. Puis on n'est même pas encore capable... Tu sais, oui, en fin de saison l'année passée puis en début de saison, c'était clair, mais encore, on dirait qu'il y a du brouillard sur la situation de Galchenyuk. Il est-tu au centre? Il est-tu à l'aile? Il est sur le premier? Il est sur le deuxième ou sur le troisième trio? Je trouve que c'est pas normal qu'il soit à ce point-là pas déjà étiqueté dans le sens que c'est clair, dans le fond, de son utilisation. Puis ça, je trouve... Bref, personnellement, je trouve que c'est pas... c'est juste pas normal. En plus, cette saison, là, il n'y a pas une mauvaise saison. Là. Oui, il a commencé comme plus fort, mais en 37 matchs, il y a quand même 29 points. Puis comme qu'on dit depuis le début de notre show, à chaque saison, Galchenyuk s'améliore. Mm-hmm. Fait, je veux dire, je pense qu'il est rendu là, là, à prendre justement la place sur le premier trio. Donne-y le plus de minutes. Puis il y a une autre affaire aussi. Là. Peux-tu bien me dire... Pourquoi, dans les derniers matchs, quand tu avais besoin d'un but pour égaliser ou prendre l'avance, je me souviens d'un match, je me souviens pas c'est quel, contre quelle équipe, mais je sais qu'on l'a perdu, tu mets De La Rose à la fin de la troisième période et que Galchenyuk est assis sur le banc. Mm-hmm. Je veux dire, je ne pouvais même pas comprendre le minimum de logique derrière cette décision qui est une erreur monumentale, honnêtement. Là. Puis, comme tu dis, De La Rose, Darnay, Plekanec, c'est tous des joueurs qui peuvent être à risque. Personnellement, De La Rose, d'après moi, c'est fini à Montréal. Je ne pense pas qu'il cadre dans le style de Julien. Mm-hmm. Mais des joueurs comme Andrew Shaw, par exemple, doivent être contents de l'arrivée de Claude Julien. Ben oui. Parce que c'est le genre de joueur que Julien va affectionner particulièrement. Je ne fais aucun comparable avec Brad Marchand qui a vraiment beaucoup plus de talent. Mais sont dans la même catégorie de joueurs peste. Donc, pour vrai, je pense que c'est vraiment bon. Gallagher aussi, même s'il est brisé, va être quand même peut-être plus enclin à... Cette année, Gallagher, c'est un petit peu plus difficile, mais... je pense qu'il va avoir un regain de... En fait, je pense qu'il va avoir un regain de vie pour pas mal n'importe qui. Puis, ouais, j'ai hâte de voir. Là, ça sera pas parfait. Là, il y a pas de monde idéal dans le hockey. Et surtout, les situations, les effets d'un coach finissent par s'estomper inévitablement. Là, on va se le dire là, puis ce sera pas une surprise pour personne. Claude Julien, un jour, va se faire congédier. Tombez pas en bas de votre chaise, là. Un jour, Claude Julien va se faire mettre à la porte. Pas sûr que ça va être encore Marc Bergevin. Peut-être, peut-être que pas. Mais Claude Julien va se faire mettre dehors. Ça, c'est sûr. Protégez-vous pas trop, là. Ça va arriver un jour. C'est une fatalité. C'est une fatalité. J'écoutais l'autre jour le podcast de Dread Sul Tape. de David Bocage, qui est un humoriste de la relève, qui fait un podcast sur le hockey, puis il jase pas de hockey en tant que tel. Il fait des entrevues avec des gens qui tournent dans l'entour du hockey. Il y a eu, entre autres, l'acteur qui a fait Denis Lemieux dans Slapshot. Il y a eu des humoristes pour parler de leur relation avec le hockey. Et la semaine dernière, dans son show que je vous conseille, il y a eu un de ses amis de secondaire qui est rendu dans l'équipe d'entraîneurs de McGill pour l'équipe de hockey féminine et qui fait tout ce qui est statistiques avancées, de la vidéo, des choses comme ça, qui s'appelle Jack End. Et après son entrevue, moi, j'ai décidé de le contacter sur Twitter pour pouvoir discuter un peu avec lui et approfondir mes connaissances sur le sujet. Tu connais, Jerry, un peu mon intérêt sur la chose. Et il me conseillait une série d'articles qui sont sortis sur sbnation.com il y a 3 ans de ça, mais qui sont encore tout à fait à propos. Il y a un des articles qui est écrit par Eric T., le 22 mai 2014, nous parle de la propension que les coachs ont à préférer des vétérans à des jeunes joueurs pour de fausses perceptions. Ce que moi, j'ai surnommé l'effet Plekanec. Et il nous mentionne, dans le fond, que dans son article, il a fait une étude sur plusieurs formations et leur propension à donner pas mal plus de temps de glace à des vétérans passés l'âge de 30 ans versus des gars plus jeunes, en bas de 25 ans, qui pourtant, leur corsi est avantageux et leurs chances de marquer sont pas mal plus élevées. Mais qu'est-ce qui amène ça? C'est la question qu'il n'y a pas vraiment de réponse dans l'article. Il ne fait qu'une certaine constatation. Et moi, j'ai plutôt l'impression... Moi, j'ai l'impression, c'est mon hypothèse là-dedans, c'est que le hockey, on ne joue plus pour gagner. D'ailleurs, le système de points dans le cas d'une défaite nous le montre. Le but, c'est de ne pas perdre. C'est triste que Michel Therrien est un apôtre de ça. Et ça explique un petit peu l'utilisation de gars comme De La Rose ou Tomáš Plekanec. Michel Therrien ne coachait pas pour gagner, il coachait pour ne pas perdre. Ça fait toute la différence du monde quand tu regardes ça au bout de la ligne, parce que ça amène des situations où est-ce qu'un gars comme Galchenyuk, qui est ton, mettons, troisième meilleur pointeur, probablement ton meilleur, ton high talent level dans ta formation, là, ton plus haut skill dans un body, là, dans un gars, c'est ton plus élevé. Et pourtant, c'est un des joueurs que tu fais le moins jouer match par match. Le nombre de points qu'il génère est diamétralement plus élevé que le nombre de points qu'il te coûte au bout de la ligne. Puis on pourrait avoir le même discours à propos de Piqué Souben l'an passé. Dans une saison décevante, Piqué Souben était à peu près le seul qui se forçait, qu'on avait l'impression qu'il se forçait le cul. Et il générait pas mal plus de points qu'il en a coûté. Et pourtant, l'une des sorties les plus emblématiques de Michel Therrien en ciblant un joueur précisément, c'est à la suite d'une défaite contre l'Avalanche Colorado l'an passé, où est-ce qu'il avait dit qu'une erreur individuelle de Piqué Souben avait causé la défaite et avait mené au but qui avait causé la défaite, alors que sur le jeu, entre autres, Max Pacioretty avait mal couvert son homme, mais en zone offensive, donc ça paraissait moins. Fait qu'il y a ça aussi dans le hockey, il y a aussi ça dans la gestion des effectifs de la part des coachs. Puis c'est une tendance, c'est pas juste Michel Therrien, c'est une tendance à travers la ligue de coacher pour ne pas perdre au lieu de coacher pour gagner. Et la fameuse crainte qu'un gars va te coûter des buts. Être bon en défensive, c'est tellement important aux yeux des entraîneurs. Et pourtant, on ne devrait pas se demander est-ce qu'il nous aide plus à gagner ou à perdre? Est-ce que je suis prêt à assumer le fait qu'une fois de temps en temps, le gars va faire des erreurs, mais que plus souvent qu'autrement, il va me permettre d'aller chercher une victoire? C'est une bonne question. Non, mais pour vrai... L'aspect défensif, là, c'est bien beau. Là. Ça sera pas moins défensif avec Julien, hein, by the way. Non, non, non. Mais c'est, ça va sûrement être beaucoup plus structuré. Je te dis, regarde bien les prochains matchs. Chez Weber, être plus intense, je sais pas, plus imposant, dans le fond. J'espère qu'il va être meilleur défensivement, parce que dernièrement, ça allait beaucoup moins bien. Là. Effectivement. Même Carey Price... d'après moi, va être meilleur parce que ça va peut-être être plus structuré. Je m'attends pas à ce que samedi contre Winnipeg, il gagne 10-0, là, mais d'après moi, ça va être mieux. Puis ce qui est le fun aussi avec le fait que ça soit dans le bye week, il y a le temps de se préparer, de checker ses affaires aussi. Exact. Puis ça, la pratique de vendredi va probablement être plus... ça va être, on va établir des patterns de jeu, puis on va construire une relation entre le coach et l'alignement. Mais pour vrai, là, j'ai vraiment, vraiment hâte. Là. Je te dirais que dernièrement, là, les games, moi, j'avais plus le goût de les écouter. Là. J'étais comme genre, bah, le Canadien, je vais asseoir. Bah, je vais faire autre chose, tu sais. Puis là, ben justement, le samedi, ça joue en plein après-midi, puis j'ai vraiment hâte. Je vais probablement regarder un match Canadien-Winnipeg. Ce qui est pas nécessairement très... c'est pas ce qui est le plus attirant, là. Non, c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir le prochain match Canadien-Boston, par exemple. Ce qui, je crois, n'arrivera plus du reste de l'année. Mais c'est pas grave. Faut les pogner en série. S'ils font les séries. Ça serait drôle. Mais non, pour vrai... Ça va vraiment être différent, pour vrai. Puis... Pour ce qui est de Galchenyuk et son côté défensif, là, je veux dire, on va slacker un peu. Je veux dire, c'est à ça que ça sert d'être défenseur. Faire un gardien de but. Ben, c'est ça, tu sais. Mais non, je suis d'accord. Moi, je mettrais. Tu sais, je veux dire. Le fait que Michel Therrien, justement, coachait, comme tu disais, pour ne pas perdre, je trouve ça plate un peu, dans le fond. Je veux dire, faut que tu gagnes, faut toujours que tu essaies de gagner. Ben, il me semble, là. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire. Oui. En gagnant, dans le fond, tu joues pour ne pas perdre, mais je veux dire, t'as plus de fierté, t'as plus de hargne, t'es peut-être plus intense aussi, je veux dire, je sais pas, là. Mais c'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont prendre le bord, là, d'après moi, là. Ça marchera juste pas avec Julien ou. Je sais que, de ce que j'ai entendu, en tout cas, c'est que Claude Julien est comme. Peut-être un petit peu plus. Tu sais, il est plus demandant que Michel Therrien, ça, c'est sûr. Mais. En même temps, la relation qu'il va avoir avec ses joueurs va probablement être très, très différente. Bon, ça, c'est des affaires qu'on verra pas parce qu'on n'est pas dans le vestiaire. Mais tu sais, comme dernièrement, Carey Price, Michel Therrien, si vous allez sur Internet, en général, les gens vont sortir que c'est Carey Price qui a sorti Michel Therrien de Montréal. Ben, le fameux regard un soir contre San Jose a certainement pas dû aider. Non, ça, c'est sûr. La fameuse rencontre là, entre les... Tu sais, Weber, Pacioretty, Price et Marc Bergevin, là, à un moment donné, là, arrêtez de le faire semblant. Là. Non, mais c'est en plein ça. Pis... Ça n'a pas eu rapport. C'est... Mais non, j'ai pas parlé de ça, là, Marc. Là, comment? Là, prends-nous pas des valises. Puis là, je parle de Marc Bergevin. Et de l'autre côté, Marc Denis, là. Ah ouais, quand tu veux planter un quand tu veux planter un collègue journaliste, fais pas en sorte que ça soit la shot deux jours avant que le coach se fasse congédier, justement l'inverse de ce que toi t'as dit, en mentionnant que ton collègue, Danny Dubé dans le cas présent, avait tourné les coins ronds. Ah ben! Qui croyait prendre, mon Denis? Tabarouette. Non, ça me fait un peu capoter le protectionnisme des médias montréalais envers le Canadien de Montréal, au point où, ben écoute, à certains moments, ben il y a des inepties comme ça qui sortent, où est-ce que la réalité est confronte ce que tu disais, tu sais, deux minutes avant. C'est comme l'histoire de « j'échangerai pas Piqué Souban », trois jours après, il l'échange, tu sais. Mande ou pas, Marc, mais de l'autre côté, les médias, arrêtez de dire « Ouais, mais là, Marc, il a dit qu'il ne changerait pas Piqué Souban, fait que ça arrivera pas. » Un peu d'incrédulité, là. Ça se peut qu'ils disent pas toujours 100% la vérité, là. Totalement, puis honnêtement, la réunion, peut-être que ça avait pas lien à ça. Peut-être. Est-ce que j'y crois? Absolument pas. Mais, je veux dire... De ce qu'on a entendu depuis samedi, Therrien a coaché son match contre Boston. Et ça, c'était dimanche. Et ça a l'air que samedi, Bergevin avait contacté Julien. Ben oui. Fait qu'il a coaché un match parce qu'il avait besoin d'un coach. Non, je pense que Therrien le savait pas à ce moment-là. Non, c'est sûr qu'il le savait pas. Mais Bergevin le savait. Bergevin l'avait déjà remplacé. Là. J'espère que Bergevin le savait. Là. T'as un moment donné, là. Ouais, non, mais en tout cas, pour vrai, je suis content. Je suis vraiment content. Ça fait changement. Fait que dans le fond, là, grosso modo, là, Terrien ou Julien? Julien. On gagne, on change? OK. Oui. C'est bon. Par contre, on peut se poser une autre petite question. Voyant la situation du Canadien de Montréal dernièrement et dans l'ensemble, là, j'arrête pas de le répéter, là, mais cette équipe-là, pour moi, n'est pas constituée pour être contender pour la Coupe Stanley. Tant qu'à me voir, il y a trop des gros trous. Est-ce que Claude Julien, à lui seul, est vraiment la solution au problème du Canadien de Montréal? Non. Il manque deux top 6 puis un défenseur. À quelle place t'es top 6 puis t'es défenseur? Voir si on est au même diapason. Là. Ben, mon premier trio, comme on en parle depuis tantôt, Galchenyuk, Kradulov, Pacioretty. Ça, c'est, bon. C'est assez évident. Moi, je te dirais que ça prendrait un ailier gauche ou un centre au-dessus du deuxième trio. Ah non, ça te prend les deux, là. Ouais. Philippe Dano, là, c'est un troisième centre, puis Plekanec dehors, là. Non, non, ça, c'est sûr. Mais tu sais, comme, mettons présentement, là, pour la fin de l'année, là, je parle, Dano peut peut-être faire la job sur le deuxième si t'es capable d'aller chercher un ailier gauche. Sinon, la venue d'un centre pourrait être très bien avec un Lekkonen qui peut faire la job aussi, puis en même temps, s'il y a plus de responsabilités. Parce que ce que j'aime beaucoup de Lekkonen, c'est qu'il arrête pas. C'est juste que ça se finalise pas, ces affaires, tu sais. Mais il y a des chances de marquer à profusion. Ça, j'aime ça. C'était qu'à le mettre un centre avec lui, dans le fond, qui va être... Mettons qu'on parle d'un Duchesne, ce qui arrivera pas, honnêtement. Là. Mais si t'aurais une chaîne avec un Lekkonen, puis tu mettons un Gallagher à droite, là, ça va être un popé trio, ça, avec, là. Puis, à la défense, moi, je pense qu'Emeline ne restera pas longtemps avec Weber. Je pense qu'il va mettre un défenseur plus mobile puis plus offensif avec, avec lui. Ça prend ça, là. C'est ça. On serait genre un genre de Beaulieu plus mature et meilleur, mettons. Même si Beaulieu n'est pas tant mauvais, c'est un bon potentiel. Mais il va falloir qu'un moment donné, il embarque sa prochaine gear, tu sais. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. T'sais, tu vas sûrement avoir un Emlyn avec un Petrie, genre sa deuxième, avec un Markov, sa troisième, parce que lui, il faut vraiment qu'il commence à jouer moins. Même si ça marche, il enfile les points. Mais si tu le vends en série, justement, pour qu'il performe, un moment donné, slack la pédale. Ça va sûrement sortir. Puis je pense, comme je te dis, moi, un Patterin, je le vois vraiment intégrer plus la brigade défensive. Fait que ta troisième paire, c'est Patrin avec Nesterov. Ouais. En principe. Disons ça de même. Ensuite, t'aurais donc Markov avec Petrie, puis Beaulieu avec Weber. Ou tu switches Weber sa deuxième, puis il faut que Markov soit plus dans l'alignement, ou... Ben... L'offensive, là, c'est tough parce qu'il y en a beaucoup trop. Oui. On a 24 défenseurs. À peu près. Mais non, pour vrai, ça va dépendre un peu de comment lui veut les gager. Là, mais c'est d'abord, Weber va rester sur le top. Là. Je pense que Weber va changer de place. Marco va jouer beaucoup moins. Pour ce qui est du reste. Tu veux dire Emeline, pas Weber va rester en même place. Hein. Oui, Weber, sa première. Mais Marco va jouer moins. D'après moi, Marco va le descendre sur le 2 ou sur le 3. Comment ça va être cher pour un défenseur de troisième paire, Markov? Ouais, mais c'est pas grave, ça. C'est Markov. Ah oui, mais c'est pas parce qu'il est beau pis il est fin que... Non, non, mais il va signer l'année prochaine à Montréal. Un an, 1 million. C'était Gonchar, là, pas long. Là, c'est Markov, 1 an, 1 million. Ça arrivera pas, je le sais. Ça serait une sale drop, pour le mieux pour le Canadien. Ça serait une solide drop de salaire. Peut-être, mais j'y crois. Pense pas, là, mais en tout cas... Souhaite. Ouais, on se croise les doigts. Là, financièrement, ce serait la meilleure idée au monde. Là. Mais bon. Ben, si tu veux gagner, ouais. Marco. Mais tu sais, ça fait depuis le début de sa saison qu'on doit dire ça. Tu sais, si tu veux gagner, reste avec nous autres. Tu peux arriver encore. Mais encore là, tu sais, la défensive, là, on parle pour la fin de l'année, mais l'année prochaine, ça va changer. Là. Moi, l'année prochaine, c'est pas compliqué. Michael McCarron fait le club sur un top 9. Avec Claude Julien, qui connaît le type de joueur que Michael McCarron peut être. Tu sais, mettons, McCarron peut me faire penser un petit peu à un Milan Lucic. peut-être pas à faire 25 buts par année. Il en demande beaucoup, mais il a toujours dit qu'il aimerait ça être ça. Fait que... Ben, c'est ça. Puis tu sais, avec un Claude Julien qui connaît le style de joueur, ça va peut-être justement aider des joueurs comme Michael McCarron. Tu sais, Sergachev, l'année prochaine, peut surprendre vraiment beaucoup. Yulson, même affaire. Fait que l'équipe peut vraiment changer l'année prochaine. Je pense que Yulson a besoin d'au moins une année dans la Ligue américaine. Ouais, probablement. Mais Sergachev, moi, je trouve que dans... Non, je pense qu'il est correct, là. Il n'y a pas la maturité à ce point-là, mais Sergachev a joué la pré-saison. Moi, je le trouvais impressionnant, même s'il y a clairement des lacunes dans son jeu. Mais c'est un junior, tu sais. Ouais. L'an prochain, Markov, Sergachev sur la troisième paire, ça serait pas mauvais, là. Oui, ou à la limite, même si Sergachev... Si on paye Markov comme un troisième défenseur, oui, tu sais. Ouais. Sergachev, es-tu droitier ou gaucher? Ah, ben là... De même, je te garoche ça dans la face. Réponds. Il est gaucher. Puis Weber est droitier. Ah oui, non, mais pas de suite. Même. Pas de suite. Hey, mais tu le sais pas, hein? Tu le sais pas. Ça, ça accroche. Ah, on verra, ouais. On verra. Mais tu sais, en même temps... On connaît l'historique un petit peu de Claude Julien, puis il n'a pas peur d'utiliser ses meilleurs éléments, même si son jeune, dans des situations plus intenses. T'sais, on l'a vu avec David Pasternak, qui était rendu dans son top 6 à sa première année. Si le gars il est bon, je pense que Julien est capable de le reconnaître et de faire en sorte de le placer à la bonne place. Mais c'est surtout ça qui est le fun. Comme tu viens de dire, il n'a pas peur d'utiliser ses jeunes. Faut dire qu'à Boston, la manne n'était pas énorme. Fait que quand il y avait un nouveau gars, c'était facile de faire une place. Là. Il n'y en avait pas beaucoup, mais le Canadien, c'est pas gros pipeline. Là. Mais non, en tout cas, on va revenir là-dessus, le pipeline de talent. Là, mais plus tard, j'ai un truc que je veux te parler. Là. Mais en tout cas, on espère du moins que Claude Julien va faire jouer le kid s'il est prêt à jouer. Mm. Disons ça comme ça. C'est bien dit. Ah oui, non, je sais bien. On a eu droit aujourd'hui à une séance d'appel de conférence avec Claude Julien et les médias. Je ne l'ai pas écouté. Toi, l'as-tu écouté? Je travaillais, donc non. Mais voilà. J'ai lu beaucoup de petites phrases, des moments forts de cet appel téléphonique. Avant ça, on va... Parce que je suis en train de me dire que c'est pas dans l'ordre chronologique. Donc, il y a eu le point de presse de Marc Bergevin que j'ai pu écouter. Il y a quelques points qui m'ont accroché et que je veux parler avec toi. Premièrement, Marc Bergevin a semblé en début de conférence de presse très émotif quant à annoncer devant les médias cette annonce-là. Dans le fond, là, penses-tu que c'est son move à lui ou ça vient de Molson? Ça, c'est touché parce qu'en même temps... Je pense que... En fait, moi, personnellement, je pense que c'est son move à lui. C'est justement pour ça qu'il est émotif. Parce que ça le fait chier de pas avoir apporté une Coupe Stanley à Montréal avec son grand chum Michel Therrien. Personnellement, mais je pense que... C'est la première fois qu'il congédie quelqu'un, hein, en passant. Ouais, mais il est pas cave. Il sait que ça marchait plus, là. Je veux dire, peut-être que c'est arrangé. L'année passée... Ça a été peut-être plus facile de cacher justement le problème auprès du staff d'entraîneur. Mais là, cette année, t'as aucune. Tu sais, l'année passée, là, c'était regarde, il va rester ici, ça va marcher comme ça. Ça marche pas cette année, c'est tout. C'est tout sur mes épaules. Ben, c'est ça. Sauf que là, regarde, Price est là. Oui, t'as eu des blessés, là, mais rien d'alarmant. Puis. Là, en ce moment, tu commençais à pas gagner une pas pire série de défaites. Je pense que c'est son move à lui, mais je connais pas Bergevin, il me l'a pas dit, puis je le sais pas. Ah ouais, il t'a pas appelé? Ben non. Tu serais pas le premier gars des médias à côtoyer Bergevin de proche puis qu'il le critique pas, là? Ben non. Ben non, pour vrai. C'est une autre affaire qu'on va revenir, ça. Watch-moi bien aller. Ben, je pense que c'est son move pour vrai. Hein. OK. Ben, moi, je pense qu'il y a eu de la pression très, très fortement de la part de Molson. Il s'est résolu à l'idée. C'est lui qui a fait le move. Mais je pense qu'il aurait préféré garder Terrien. Mais en même temps, tu sais, il y a un peu de concours de circonstances, là. Le fait que tu tombes en bye week, que t'as une méchante grosse drop, le Canadien de Montréal n'arrive plus à gagner. On parle de autour de, je pense, c'est 14% là, de victoires dans le dernier mois pour Michel Therrien. Ça a comme juste pas de bon sens, là. Et tu sais, le timing a fait en sorte que c'était là. Puis t'avais Claude Julien, qui est un solide coach, on vient d'en parler, qui était disponible. Tu fais pas français. Mais oui, tu fais pas passer à côté, là. Non. Puis, truc que j'ai mentionné sur Facebook et Twitter, c'est ça qui arrive, hein, quand ton bassin de coach potentiel a quatre noms. Tu devrais embaucher Julien, là. T'avais, mettons, dans la Ligue nationale, t'avais Therrien. Tu peux pas l'embaucher, fait que je le compte pas. Après ça, t'as Vigneault, t'as Julien, t'as Boucher et t'as. Non, c'est ça. Avec Therrien, ça donne quatre. T'as quatre gars qui veulent prendre la job. Mais il aurait pu s'essayer avec une ligne anglophone. Mais non. Ben, mettons là. Pas pour moi, là. Mais ça a l'air que dans la population, ça compte, là. C'est ça. Puis Moutou, je m'en fous, là. Mais tu sais, mettons là qu'il engage ou qu'il donne, mettons, la fin de la saison à Kirk Muller, là. Le monde, il l'aime pareil, Muller, là. Il aurait donné le poste à Gérard Gallant. Le monde aurait été content pareil. Le nombre de commentaires. Tu sais, mettons, tu prends Bob Hartley qui parle français. Là. Ah, c'est ça. C'est le quatrième que j'oubliais. Bob Hartley. Bon, excuse-moi. Il y a beaucoup de monde qui voulait Bob Hartley à Montréal. Oui. T'as Patrick Roy aussi. Sauf que Patrick Roy, on le sait que ça marchera pas parce qu'il voulait de toute l'équipe au complet. Mais, tu sais, je veux dire, les gens étaient. C'était pas Julien nécessairement qui venait en leur tête en premier lieu. T'sais, c'était beaucoup du Bob Hartley, Patrick Roy. Mais faut oublier que Claude Julien est un Bruins en partant. Lâchez ça. Là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit c'est pas merde, on va chercher l'ennemi. Non, dos. Non, c'est un coach. Julien, c'est ça, c'est en plein ça. C'est juste un coach. C'est en plein ça. Fait que, bref. Non, pour vrai, oui, ton bassin est pas tant grand. Mais écoute. Claude Julien est facile un top 5 dans la ligue côté coach. Là. Mm-hmm. D'ailleurs, commentaire que notre ami Sylvain Rioux a mentionné, j'ai hâte de voir les commentaires des gens quand Claude Julien va parler d'embellishment, quand un de ses joueurs va faire tomber un adversaire, les slow foot puis des choses comme ça. Je pense que Andrew Shaw a tombé sur le meilleur coach possible. Là. Ça fait des années qu'il endosse Brad Marchand sans problème. Puis on connaît son historique. Là. Donc, Aster qui est dans le bon camp. J'ai hâte de voir les gens de Montréal dire que Therrien, il est correct. Pas Therrien, mais Julien, il est correct finalement. Ouais. Hein? Non, mais... moi, pour vrai, c'est merveilleux. Le teintage. Sinon... Donc, on a réglé la question de susciter son corps de lui. J'efface ça. Petit coup de clavier. Ensuite, autre point, il a mentionné à propos de Therrien qu'il est un grand coach et un grand homme et qu'il prend cette décision au-delà des sentiments. On a déjà parlé sur le show de son fameux call à propos de Max Pacioretty, des autres informations. Je suis désolé, mais j'ai de la misère à prendre en pitié Michel Therrien sur le plan humain. C'était dû, c'est bien carré demain. Ah, c'est en plein ça. Autre point. Marc Benjamin dit j'ai au moins 5 top prospects. Parce qu'il y a eu une question à un moment donné où est-ce qu'il a mentionné que il était pleinement satisfait de Trevor Timmins, que ça allait bien ces affaires-là de ce côté-là sur le dépistage de talent, parce qu'il y a un journaliste qui questionnait dans le fond l'arrivée de prospects, tu sais, avec la formation pour regarnir la banque de talent puis permettre à l'équipe de compenser pour le départ de joueurs qui sont rendus trop vieux et qui sont moins performants. Et donc j'arrête pas de me mélanger, excusez. C'est normal. Bergevin dit j'ai pleine confiance en Trevor Timmins, très content, très satisfait de son travail. Et un peu plus tard dans la conférence de presse, il y a Tony Marinaro qui pose une question, et Tony Marinaro, on va le dire comme du monde, est le seul qui a réussi à déstabiliser Michel, pas Michel, hey, c'est compliqué mon affaire, Marc Bergevin, dans ses questions et à le sortir de sa cassette. C'est les seules fois où est-ce qu'on a perçu Bergevin en train de répondre de façon vraie. T'sais que, il faisait pas un petit carton maintenant. Non, là. C'est ça. Puis j'avais l'impression que c'était les vraies réponses, mais surtout, le Canadien de Montréal n'avait pas prévu ça comme possibilité de question et donc n'avait pas prévu de cassette pour ces questions-là. Il n'y avait pas le choix d'être en conférence de presse en avant de tout le monde. Il n'y avait pas le choix de donner une réponse où il dit « next », puis ça paraît mal. T'sais, c'est pas le temps quand tu congédies ton coach. T'sais. Et donc, il a demandé « mettons, là, dans ta formation, t'as combien de top prospects? » Et Marc Bergevin, il a dit « j'ai moins de 5 top prospects. » Et ma question pour toi, après toute cette longue prémisse, ce préambule interminable, est-ce que Marc Bergevin, soit il ment à propos du travail de Trevor Timmins, alors qu'il y a moins de 5 top prospects, me semble ça semble mince, ou encore, ses critères pour être satisfait du travail de Timmins sont vraiment bas, parce qu'à moins de 5, il est quand même heureux. Ah, c'est vrai. Hein? Parce que top 5, là, mettons, t'as 5 top prospects. Mettons qu'on se dit on que les énumère, ça, c'est okay? trois attaquants puis deux défenseurs. Ah non, mais on les énumère. Okay? T'as Sergachev, t'as Juleson qui sont probablement top 1, top 2. Ensuite, t'as Sherback, t'as Lindgren. Même Sherback. Ouais, ben c'est ça, je pousse, puis après ça, McCarron. On est rendu à 5, là. Mais McCarron, moi, j'y crois. Écoute, j'ai poussé fort, là. Oui, mais... Fait que Sherback serait pas dedans. Selon ton commentaire, il serait pas dedans. Fait que ton top 4 des prospects, McCarron, Lindgren, Juleson et Sergachev. Je peux pas dire que le travail de Trevor Timmins m'impressionne, là. Non, non. Ça, c'est sûr. Mais c'est parce que il y a d'autres joueurs qui sont pas à Montréal, tu sais. Il y a des top prospects qui ont repêché qui sont plus ici. Oui, entre autres. Ben, je voulais juste nous rappeler McDonough. J'aime ça vous rappeler McDonough. Ouais, mais il est plus prospect, là. Je veux dire, en date d'aujourd'hui, là. Fait que c'est quoi? Est-ce que Trevor Timmins travaille bien? Puis travailler bien, ça donne 4 top prospects? Ou est-ce qu'il travaille mal? Puis Marc Bergevin a menti. Ouais. En tout cas, je laisse ça en suspens. Autre point, c'est mon dernier. Marc Bergevin a mentionné dans cet échange avec les journalistes qu'il n'échangerait pas un Sergachev pour ce qu'il appelle en anglais un quick fix. Un fix, donc un complément, un joueur de location. Un bouche-trou. Ouais, ça, c'est un joueur de location. Et un peu plus tard, il confirme que il est ouvert, selon les termes, si un gars a un contrat. Et donc, ma question est, est-ce que Marc Bergevin est ouvert à transiger un Sergachev si ça implique un retour à la Matt Duchesne, mettons? À ton avis? Sergachev, je viserais peut-être un petit peu plus, mais je donnerais un Yosun, mettons, pour un Duchesne. OK. Parce que moi, personnellement, j'ai le feeling que Sergachev est meilleur que Yosun. Oui. Oui, mais ensemble, ils vont être super bons pendant longtemps. Ben, c'est ça. Ça, je sais que toi, ta vision, c'est ça, c'est ton top 2 pour tes 15 prochaines années, tu sais. Ou peut-être pas de 15, c'est gros en maudit 15, mais bref, tu comprends. Ben, déjà que Weber, dans 4 ans, ne sera plus sur le top 2, ça prend du monde. C'est ça. Mais, c'est sûr que. Tu sais, l'année passée, il a dit qu'il ne mettrait pas Michel Therrien d'or. Il a dit qu'il ne changerait pas Piquet Souban. Ah ouais. Fait, tu sais, moi, quand il dit « je changerai pas un joueur », j'ai un peu de misère à le créer. Fait que c'est sûr qu'il est ouvert. Là. C'est juste que en même temps, qu'est-ce que les gens veulent entendre, c'est pas que Bergevin va échanger son premier choix de cette année pour un joueur qui ne sera pas avec nous peut-être l'année prochaine. Genre. C'est sûr qu'un Sergachev... Pour aller me chercher exemple. Mettons qu'un John Tavares sera un contrat plus long. On parle, là. Parce que John Tavares à Montréal, ça te change un top 6, là. On s'entend. Tu sais, ces genres de joueurs-là, je serais prêt à les mettre personnellement. Puis je pense que Bergevin aussi serait prêt. S'il est pas prêt, il est un peu cave. Je vous dirais, à un moment donné, John Tavares, c'est pas tous les jours que tu peux avoir ça. Non, c'est sûr. Fait que pour ce genre de joueur-là, d'élite, presque joueur de franchise, Sergachev peut être considéré là, comme ben oui. Tous ses top prospects. J'espère. Mais tu sais, en même temps, tu donnes-tu Sergachev, Yosin, un choix de première ronde avec, mettons, Galchenyuk puis Beaulieu, pour exemple, un chaîne, j'exagère en passant, juste pour mettre beaucoup, là. Non, ça serait faire un mauvais trade, tu sais. Mais tu sais, un Sergachev ou un Yosin, exemple, parce que les deux peuvent s'interchanger dans le trade, avec, exemple, je sais pas, moi, un top 6 qu'on a présentement pour Duchesne, je sais pas, tu sais... J'ai pas de choix, en fait, parce que pour vrai, je trouve qu'on n'a pas grand-chose à échanger personnellement. Uh-huh. Parce que c'est sûr qu'à la base, s'ils veulent nous donner Duchesne, faut qu'on se débarrasse de Plekanec. Puis en partant... Pas sûr qu'ils veulent. Non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, c'est un choix entre Plekanec ou Duchesne. Tu vas garder Duchesne. Et voilà, tu sais. Puis tu sais, faut que, mettons, là, qu'ils disent « Ah, OK, Plekanec. » Faut quand même que ça batte les autres offres. C'est parce qu'en partant, oui, ça c'est sûr. Puis, ça fait 28 autres clubs là, qui vont faire des offres, puis Plekanec ne fait certainement pas partie des meilleures offres potentielles. Je me souviens vraiment pas c'est quoi l'offre par cœur, je l'ai pas sous la main, mais je sais que le Ottawa aurait fait une offre. Ça l'incluait là, des genre un choix de première ronde. Il y avait Thomas Chabot ou ouais. un autre de leurs gros défenseurs. Ouais, je pense que oui, ouais. Pis c'était genre, pour vrai, je regardais ça, je suis comme, ok, mais sérieusement, Duchesne n'aboutira jamais à Montréal. Voilà. Je veux dire, on a rien pour. Pour vrai, ça serait Galchenyuk avec genre, justement, Sergachev, notre premier choix de ronde cette année, avec Pacioretty quasiment, pour avoir. Je suis comme, ah, tu me niaises-tu? Mais tu sais, personnellement, je pense que c'est quand même faisable d'échanger Plekanec, comme j'arrête pas de le répéter souvent. Mais si tu échanges Plekanec, c'est clair qu'il va falloir que tu prennes un mauvais contrat. Ça dépend dans quelle optique tu vois ça. Exemple, qu'on prend Colorado encore. Mettons que tu fais Duchesne et Ginla, mettons. Là. Mais en fait, si tu échanges pour des mauvais contrats, vu le salaire que Plekanec ramasse, 6 millions pour encore un an, attends-toi à ce que le salaire que tu ramasses en échange soit un peu moindre, mais du double, voire du triple de la durée. Comme Marc Bergevin avait fait pour l'échange de René Bourque. C'est à peu près ça le deal. Là. C'était d'aller chercher un gars un peu moins payé, mais le double de la durée. Donc, dans le cas de Thomas Plekanec, il faudrait regarder un gars qui y payait autour de 4 millions pour 3 ans. 2-3 ans pour que la transaction se fasse. Un Et drop de salaire. Ans. Ginla 2 ans. Ouais, OK. Mais c'est pour ça que je t'amène ce parallèle-là. J'ai pas le contrat sous les yeux de Ginla. Mais je voulais amener le paramètre. Mais Ginla, il reste. Ben, il finit son contrat à la fin de l'année. C'est pas à la fin de l'année qu'il finit. Oui. Pour vrai? Oui. Je me suis trompé. Il tombe UFA. Je pensais qu'il restait 2 ans. Puis tu sais, Claude Julien l'a déjà coaché avec les Bros. Mettons, là, je regarde chez l'Avalanche Colorado, là, un gars comme Carl Söderberg à 4,75 pour encore 3 ans après cette saison-ci. Il est quand même jeune. Ça fitterait. Il a quel âge? Il doit être mi-20 ans. Il a 31 ans. Ben oui. Ça donne du bien quand j'affiche en avant de moi. Et il a 11 points cette saison en 54 matchs. Tu vois le genre? Bien. Mais c'est quand même le Colorado. Puis je tiens à dire encore que Carl Söderberg a été coaché par Claude Julien et qu'il a eu quand même des bonnes saisons avec les Bruins de Boston. Ben, il allait chercher dans le 30 points. Là. Ben, c'est correct pour un. Excuse-moi. Il a eu, avec Claude Julien, deux saisons de 48 et 44 points en 2013-2014 et 2014-2015. L'an passé avec l'Avalanche, 51 points. En 82 matchs et cette année 11 points. On s'entend que c'est comme 4 fois moins. Là. Donc, moi. Au Colorado. Oui, oh ouais, mais tu sais, c'est le genre de gars où est-ce que si Marc Bergevin veut dropper un salaire, ça serait ce style-là qu'il devrait aller chercher. Et on parle d'une économie en salaire sur la masse salariale de 1,25 million. Là. C'est pas énorme. Mais c'est ça, un sapristi de salaire de 6 millions pour un gars inutile. C'est ça que ça fait. Tiens, mais je serais prenant, moi, un Carl Soderberg. Ben, je prendrais le guest, mais c'est long, longtemps, là. Oui, mais... Je sais pas. Puis la marge de manœuvre est pas assez énorme. Tant qu'à moi, là. C'est, en tout cas, c'est le seul contrat que je vois. Tu sais, il y a Beauchemin à 4.5 qui reste un an, mais tu sais, tant qu'à ça, tu gardes Plekanec, là. C'est ça. T'as pas besoin d'un défenseur moyen supplémentaire. Pour 48e. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, sinon, les gros salaires, gros contrats, c'est McKinnon, Duchesne, Landeskog et Soderberg. C'est les quatre gros contrats qui ont plus qu'un an restant, tu sais. Moi, McKinnon, n'importe quel. Ouais, mais c'est pas un prêt pour un drop de salaire. D'ailleurs, 300 000 de différence entre les deux. Qui tu prends? Le Canet. Ben sérieux, ouais, là. Le choix est facile. Puis j'irai chercher à Lac. Ben, c'est en fait, ça amène une certaine question, tu sais. Puis ça, je m'étais mis ça pour la semaine, tu sais, pour le prochain show, parce que je pensais que c'était comme trop plein. Mais veux pas. C'est Stéphane Gonzalez du 91-9 qui tweetait ça. Parmi les anciens gardiens de but du Canadien de Montréal, il y en a trois en ce moment qui sont dans le top 10 de la Ligue nationale pour les blanchissages. On parle ici de Boudaille, on parle de Dubnyk et on parle de Condon. Ouais, mais Dubnyk, c'est devenu genre le top 4 de la Ligue. Mais oui, mais c'est-tu pas le but du Canadien de Montréal d'être censé de voir le talent? Oui. Bon. Et à ce moment-là, là, t'as eu Dubnyk pour à peu près rien, là. On s'entend-tu que depuis deux ans... Ah non, mais ouais, balotage. On s'entend-tu que dans les deux dernières saisons, est-ce que au top de sa forme, Dubnyk aurait pas été plus utile aux Canadiens que Carey Price? Puis là, pitchez-moi pas des rushs, là. C'est vrai. Non, non, non. C'est totalement. En même temps, Dubnyk voulait pas jouer à Montréal. Ben, il a passé dans l'organisation. Si on l'avait aidé comme on semble l'avoir aidé du côté du Wild, il aurait voulu, là. Ça, c'est sûr. Mais il suit la POC à cette heure, hein? Ah, ouais. Ouais. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que oui, Carey Price est supposément le meilleur gardien de but au monde, mais depuis deux ans, ce n'est pas le cas. En moyenne, sur 82 matchs, ce n'est pas le cas. Et donc, si le moindre match se regarde en dehors de la boîte, il y a d'autres options qui, à moindre coût, t'offriraient à peu près les mêmes performances. Dubnyk est un exemple qui a passé entre les mains du Canadien. Puis là, là-dessus, je compte pas Halak, qui est dans la Ligue américaine, mais qui est en train de la brûler solide. Est-ce qu'un Halak, avec un salaire vraiment moindre que Carey Price et un auxiliaire vraiment meilleur que Al Montoya, ne donnerait pas, grosso modo, au bout de la ligne, le même résultat au Canadien de Montréal en saison régulière? Je lance la question. J'ai pas de réponse, là. Moi, je lance des interrogations. Puis chez moi, des rushs, si vous voulez, là. Mais pour moi, Carey Price n'est pas un intouchable. Suffit de savoir par qui le remplacer pour arriver à un résultat semblable. Ça peut être par deux gars, tu sais. Fin de la parenthèse. Donc, je limite ça de mes sujets dans deux semaines. Mais j'aime ça le fait que tu parles de ça, Carey Price, parce qu'il faut pas oublier que Carey Price re-signe dans deux ans. Ben oui. Puis on va le payer combien? 9 millions à peu près? 10? 10, facile. Oh, à 10 millions, est-ce qu'il est capable de permettre à son équipe de gagner? Oui, lui, il va être bon. Mais ce qui l'entoure sur le line-up sera plus assez bon parce qu'il n'y aura pas assez de place. Non, c'est sûr. C'est un catch-22, là. Si, de un, il veut signer à Montréal, parce que c'est même s'il y a des gens qui pensent que oui, il va signer à Montréal, c'est pas sûr, ça, là, on s'entend. Là, déjà, quand partant Michel Therrien sont partis, moi, j'ai le feeling qu'il ne tripait plus dessus. Mais si ça marche pas avec Claude Julien, lui dans deux ans il peut faire bof, Edmonton, Toronto, me semble que ça va gagner une coupe dans pas long, je vais aller vous aider boys. Hey guys, ouais, ben c'est ça. Si on s'entend que Mike Babcock qui est coach Canada, s'il voit qu'il signe pas à Montréal, Babcock va clairement appeler Carey Price puis être lui, je signerai à Toronto. Même avec les Oilers aussi. Parce que, comme qu'on n'arrête pas de dire, surtout toi, mettons, ces équipes-là vont clairement gagner une coupe avant Montréal. Mais oui. Si Montréal ne se place pas. Parce qu'on s'entend que si Montréal fait des trades pour améliorer son équipe, qu'il n'a pas peur de se mouiller et faire, tu sais, des... vraiment améliorer son équipe, là, peut-être. Mais présentement, Toronto, Edmonton, c'est en avance. Mm-hmm. Fait que c'est pas impossible de les voir partir. Puis même Patchery, dans 2 ans, je m'excuse, ça se peut qu'il signe pas à Montréal aussi. Là. Ouais. Il va peut-être aller ailleurs. Là. Mettons, là, on jase. Le Canadien de Montréal décide aujourd'hui d'échanger Carey Price. Une formation intéressante avec qui transiger pourrait être, mettons, les Ducks d'Anaheim. Tu ramasses John Gibson, tu ramasses Shea Theodore ou Cam Fowler, et tu ramasses, mettons, ça, Jacob Silverberg ou encore un gars comme Rickard Rakell. Est-ce que le Canadien de Montréal est mieux nanti avec 3 de ces éléments-là qu'avec seulement Carey Price? Ben oui. Voilà. Puis honnêtement, faire une petite parenthèse, Jeff Fillion qui dit que Carey Price n'a aucune valeur sur le marché, c'est de la bullshit. En partant, c'est Jeff Fillion. Il n'a pas tout à fait tort, en ce sens que, et là je vais venir tuer mon propre argument que je viens de lancer, il n'a pas tout à fait tort dans le sens qu'il y a à peu près 50% des équipes qui considèrent avoir un bon gardien de but et donc ne prendraient pas le risque de tenter une transaction. Là où est-ce qu'il a tort, lui, puis que ça vient renforcer ce que je disais auparavant, c'est que Carey Price n'est pas n'importe quel gardien de but. Il a déjà prouvé être dans la top élite, là, dans le top 5 de la Ligue nationale. Et donc, il a fait simplement un calcul mathématique. Y a-t-il des transactions de gardien de but? Non. Pourquoi? Parce que la moitié des clubs ont des bons gardiens. C'est ça qu'il a fait. Donc, il s'est dit, ça n'a pas de valeur. Alors que moi, je dis, oui, c'est vrai, cette vision-là est vraie, sauf que Carey Price n'est pas n'importe quel gardien de but, et s'il tombe sur le marché, c'est clair qu'il y aura preneur et qu'il y aura assurément surenchère. La seule équipe qui voudrait pas de Carey Price, honnêtement, c'est les Capitals de Washington. Ben, le Wild non plus. Oui, mais... Est-ce que les Rangers en voudraient? C'est quand je te disais le top 5, on vient les nommer. Ouais, c'est ça. Le reste, t'as 20... Ben, si t'enlèves le Canadien de l'équation, t'as 24 clubs qui en voudraient. Ouais. Fait pas mal sûr qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va nous offrir de quoi d'assez intense. Écoute, je vais te demander de faire un peu de temps. Je vais aller écrire ça, ma proposition de transaction pour Carey Price. Parce que l'autre jour, ça avait répondu pas mal, fait que j'ai le goût de faire la même affaire. C'est bon, ça. OK, j'en reviens. Enfin, moi, je voulais revenir un peu sur Claude Julien, parce que il y avait des petites affaires aussi qu'il avait dit, puis j'ai quand même bien aimé ça. Des petites flèches bien polies, des petites flèches lancées à l'ancien entraîneur, des flèches cassettes, comme on va appeler. C'est que il y a une phrase qui m'a vraiment accroché, c'est quand il dit « Je suis ici pour régler, modifier quelques trucs et faire en sorte que l'équipe reprenne le droit chemin. » Quand on parlait tantôt justement de Galchenyuk, des trucs comme ça, puis j'ai vraiment l'impression que Bergevin va faire une grosse transaction, va améliorer son équipe. J'ai hâte de voir à quel point il va être capable d'améliorer l'équipe. Puis la petite flèche que je dis, c'est vraiment de, tu sais, comme régler, modifier des trucs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être modifiées. Il y avait aussi lâché d'autres trucs. Ça, je voulais lâcher ça tantôt, mais on avait changé de sujet. Je vais vous retrouver ça. Ah ouais, trouve-nous ça. Ouais, effectivement. Faudrait que je trouve une image, moi, pour ce statut mémorable. Une menace a été détectée. Il y avait lâché. Et c'est quand tu joues avec fierté, ça fait une grande différence. Juste moi qui vois une grosse flèche là, ici, lancée en vert, t'as rien. Puis il dit aussi, on va tenter de créer ça dans le vestiaire. Parce que quand je parle tantôt justement que c'est un coach, je suis revenu sur l'ancien sujet en fait. Là. Quand je parlais dans le fond qu'il est plus demandant que Michel Therrien, je pense que c'est un peu ça justement. Cette année, Michel Therrien avait lâché, tu sais, comme il avait comme Il y avait beaucoup moins d'entraînement, beaucoup de congés en fait. Tu sais, un moment donné, là, sûrement que ça, tu te relâches assez facilement avec ça. Ouais, puis, mais en même temps, est-ce qu'il a fait en sorte que la formation des Sharks de San Jose puisse se rendre en série de la Coupe cette année malgré ses vieux vétérans l'an passé? C'est justement le grand nombre de congés. Fait qu'il y a comme double côté. Mais dans la Ligue nationale, là, c'est une ligue de moutons. OK, on va se le dire. Quand il y a une affaire qui marche, tout le monde fait la maudite même affaire la saison d'après. Quand les Bruins ont gagné avec leur Big Back Bruins, il y a quelques années, de Claude Julien, tout le monde a mis les Big Back Bruins. Là, après ouais. ça, là, t'as eu l'ère des Kings et des Blackhawks. Là. Puis là, ça, là, c'était comme, c'était le talent, c'était les skills purs de joueurs offensifs. Fait que là, tout le monde cherchait des... Bon. Après ça, là, maintenant, t'as les équipes rapides. Le dump and chase, le fait de prendre à revers tes défenseurs, des Sharks et des Pingouins. Qu'est-ce que tout le monde essaie de faire aujourd'hui? On ferme le dump and chase, puis on envoie des joueurs rapides, puis on va vite, vite, vite. C'est ça, la Ligue nationale. C'est des modes jusqu'à ce que quelqu'un trouve la façon de contrer cette mode-là et gagne, et que tout le monde décide de prendre le même chemin. C'est tout le temps ça. C'est juste de savoir qui va être capable de déterminer la nouvelle mode avant que les autres le fassent. C'est sûr. J'ai l'impression que je t'ai coupé dans ton élan. Pas en tout. Okay. Non, c'est vrai, mais j'ai hâte de voir justement si Julien va être capable d'apporter une nouvelle mode dans la Ligue nationale. Ah, peut-être. Peut-être. Moi, j'avais un autre sujet. Puis là, je vais peut-être passer pour un 5 heures un peu. Là. Mais je trouve ça important de le mentionner. Puis notre show, on parle beaucoup d'argent. On parle parfois de statistiques avancées. On parle ouvertement, on donne nos avis et on se challenge les uns les autres, toujours dans le respect. Et là, je vais tomber dans un sujet qu'on aborde aussi, la couverture médiatique, mais d'une façon que ça va peut-être heurter la sensibilité de certaines personnes. Et je m'en excuse, mais je trouve ça nécessaire de le faire, vu l'angle qu'on utilise régulièrement et qu'on aborde régulièrement dans notre show. Vous êtes avertis. On a eu cette semaine, ben en fait hier, le témoignage de Michel Bergeron qui racontait comment s'était passée sa journée alors qu'il avait été au chevet à l'hôpital de Jacques Demers avec Michel Therrien. Il racontait le fait qu'à un moment donné dans l'après-midi, Michel Therrien a eu un appel et il s'est distancé. Après ça, il est revenu. Therrien est allé reporter Bergeron chez lui. Et durant le retour, il se doutait qu'il y avait quelque chose parce que Michel Therrien était beaucoup moins bavard, semblait moins heureux. Et donc, selon lui, c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'appel de Marc Bergevin pour le rencontrer, Therrien, pour pouvoir le congédier, le faire en face. Cette histoire-là, lorsque racontée sur les ondes de TVA Sport, Michel Bergeron avait presque les larmes aux yeux. Il avait le moton. C'est un ancien coach. Il a passé par là. Et il pouvait reconnaître la douleur sur le plan humain par rapport à Michel Therrien. Et tout ça est parfaitement correct. Là où est-ce que moi j'ai un questionnement, c'est au niveau de l'éthique journalistique. Comment ça se fait qu'un journaliste couvrant le Canadien de Montréal soit à ce point chum avec le coach, qu'il est censé analyser le travail de, au point d'aller ensemble dans des activités d'amis? Je me pose franchement la question, est-ce que Michel Bergeron dépasse cette ligne-là de la neutralité journalistique? Si neutralité journalistique, il est censé avoir lui, je sais pas par rapport à son poste, comment est-ce que c'est défini, sa relation avec le Canadien, puis comment est-ce que ça fonctionne dans sa tête puis dans son contrat. Mais j'ai quand même un certain questionnement. Et là, c'est une situation qui est triste. Ça implique Jacques Demers, puis toute cette patente-là, le côté humain, le fait que quelqu'un perde sa job. Je comprends tout ça, tu sais. Mais le fait que au jour le jour, ils se côtoient peut-être, et que l'un, c'est la job est de coacher le Canadien de Montréal et l'autre est payé pour analyser ce que le premier fait, le public là-dedans peut-il encore s'attendre à ce que les analyses de ces médias qui couvrent le Canadien de Montréal soient neutres et soient de qualité? Je me questionne sérieusement. Déjà qu'on l'a mentionné dans les shows précédents, le Canadien de Montréal est à côté avec pas mal tous les médias pour avoir les droits de couverture, avoir des entrevues, tu sais, toute cette patente-là, on en a parlé souvent sur le show. Là, en plus, sur le plan personnel, t'as des amitiés. Et préparez-vous, là. Ça s'en vient là, à partir de maintenant. On a un nouveau coach. Et ce coach-là, il est ami avec certains journalistes, dont François Gagnon. Et là, je vous dis pas à partir de maintenant que tout ce que François Gagnon va écrire sur le Canadien de Montréal va être de la boîte. Je vous dis juste que quand ça va toucher à Claude Julien, peut-être qu'aux yeux de François Gagnon, la mine va être moins aiguisée, moins acérée pour pouvoir critiquer son bon ami avec qui il va régulièrement jouer au golf. Je soulève le questionnement. Puis tu fais bien, honnêtement, parce que je suis totalement d'accord avec toi. Oui, ça fait une belle histoire, ça fait, tu sais, c'est de l'exclusif, là, carrément, mais... Ça fait un beau moment de télé, là, sur le coup. Oui, mais ça, c'est sûr. C'est l'éthique, moi, je... Mais puis j'aime beaucoup ton exemple. Je vais y aller peut-être un petit peu plus large, mais justement, on en a parlé tantôt, le cas de Marc Denis et Danny Dubé. Ouais. Il y en a un qui a un contrat avec le Canadien, avec un médium, puis l'autre, il y a un contrat avec le Canadien, mais avec un autre médium, ils sont comme compétiteurs, mais en même temps, ils sont comme accodés les deux. Ouais, puis en même temps, c'est que Marc Denis est un ancien joueur, il a déjà été dans l'uniforme du Canadien, il est avec Bell, qui, selon moi, RDS, c'est bien nice, là, mais il y a beaucoup de... Il bitch pas mal moins, je te dirais. Ah, ben oui. Hey, écoute, j'étais en train de me questionner. Excuse-moi. Petite parenthèse, tu te dis, hey, il a déjà été dans l'uniforme du Canadien. Puis t'as raison, il a joué un match. Ouais. Écoute, tu l'avais complètement oublié. Merci de me remémorer ça. Ben, de rien. Continue. Excuse-moi, j'ai fait comme, mais voyons, si tu verrais, ben oui. Ben oui, non, c'est ça. Je connais mon shit quand même. Ben, OK. Tu viens de le prouver in my face. J'aime ça. Non, mais pour vrai, tu sais, il y a ça aussi que moi, j'ai comme fait, j'ai un peu de misère. Puis tu sais, Danny Dubé, là, je veux dire, à la base, il travaille pour Vidéotron, qui est le compétiteur de Bell. Oui, ça aide, hein? Le fait qu'il ait lâché ça, il s'en sacque pas mal, je pense, de se faire rentrer dedans. Je veux dire, regarde, c'est un journaliste. C'est un analyste. Moi, personnellement, Danny Dubé, je l'aime vraiment beaucoup. Et que Marc Denis questionne l'éthique de travail d'un journaliste versus un gars qui lui-même... Tu sais, Marc Denis, il est analyste, il est pas journaliste. Puis c'est pour ça que je disais, par rapport à Michel Bergeron, je sais pas c'est quoi les paramètres de son contrat, parce que le titre de journaliste vient avec certains critères. Dans le sens que t'as une éthique qui est reliée à ça, parce que ce travail-là dépasse les fonctions juste de médias. C'est censé être les yeux du peuple dans certaines sphères où est-ce que le peuple habituellement n'a pas accès. C'est le deuxième, je sais pas comment l'expression le dit, là, mais le deuxième pouvoir, tu sais. T'as les autorités puis t'as les journalistes qui contre-vérifient, tu sais. Si t'as plus de neutralité journalistique, comment peux-tu te fier? Puis on s'entend. Il n'y en a clairement aucune neutralité. Mais non, puis tu sais, on s'entend que le Canadien de Montréal, ça reste, tu sais, c'est du sport, c'est une business. Mais grâce à cette non-neutralité-là, mais ils font de l'argent, tu sais. Ils ont accès à des affaires, ils peuvent cacher des messages. Ça permet aux Canadiens de faire de l'argent peut-être plus, et aux médias d'en faire plus. C'est un accoquinage qui, on s'entend, là, c'est une business privée, puis c'est correct. Mais si c'était au gouvernement, là, ça serait de la collusion, tu sais. C'est sûr. Non, c'est vrai. C'est pas la même affaire. T'sais, Michel Bergeron, justement, là, c'est du personnel, c'était un événement très privé. C'est pas comme, exemple, Chantal Maccabé qui a lâché aussi que elle avait vu Michel Therrien une semaine ou quelques jours avant, et il lui avait dit, ça a l'air, que il sentait justement que il y a une possibilité de congédiement là. Tu sais que c'est il était pas bien dans la selle puis qu'il se sentait pas tant confortable. Là. Ouais. Fait ça c'est le genre d'information là privilégiée parce que oui ça s'était fait off the record mais c'est pas la même affaire. T'sais, en même temps, Michel Therrien a déjà travaillé à RDS, il était à l'antichambre dans le temps. Probablement qu'il côtoyait souvent Chantal Maccabée. Fait que, tu sais, moi, personnellement, ça, ce genre d'affaire-là, c'est pas tant. C'est pas comparable, mais c'est. Comment je peux dire? Ce genre d'information-là, privilégiée, off the record, vous, c'est vraiment. Tabarouette, je cherche mes mots. Mais c'est plus attribuable à du journalisme. Que, exemple, le cas de Michel Bergeron puis Michel Therrien. Mm-hmm. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Mais c'est tellement flagrant dans l'actualité là que moi, je me suis retenu d'en parler sur Twitter parce que en 140 caractères, j'aurais passé pour un trou de cul, tu sais, vu la situation, vu sur le plan humain, là, mais je me questionne vraiment au niveau éthique. Là. Fait que c'est pour ça que j'en profite de cette plateforme-là où est-ce que je pense que nos auditeurs sont habitués à notre style. Savent notre façon de réfléchir le hockey puis de se permettre de jaser de choses différemment puis sans se juger les uns les autres, de juste parfois questionner, parfois de juger, mais sans toi et moi se juger l'un l'autre, tu sais. En même temps, c'est vous faites votre propre opinion puis je veux dire, c'est ce que tu crois puis moi, personnellement, je suis d'accord avec toi. Ça n'enlève pas que... Bergeron, sa place à TVA Sport, même s'il va falloir qu'à un moment donné il lâche la TV. Mais c'est pas vraiment un média fail dans le sens que nous on aime beaucoup ça, les médias fail. ça en serait un, mais tu sais, plus subtil que la moyenne. Non, c'est ça. Mais non, mais pour vrai, oui, je suis vraiment d'accord. L'éthique de travail en lien avec ça, je trouve que non, c'est. Juste du fait qu'il travaille à TVA Sports, si ça aurait été, il travaillerait pas nulle part, puis qu'il se fait poser la question, là, ça, c'est autre chose. Mais oui, je suis d'accord avec toi, le fait que il est comme dans la ligne des journalistes, mais qu'il a un accès privilégié hors pair en arrière, c'est quelque chose. Ouais. Puis, tu sais, c'est de dire, ben, quelle information qu'il nous pose, qu'il nous donne, quelle information il garde pour eux autres, puis, tu sais. Il nous cache. Ouais. Oh ouais, c'est, je suis d'accord avec toi pour vrai. C'est quelque chose de. Je sais pas que c'est inacceptable, mais. Ben parce que c'est une entreprise privée, c'est correct, mais veux pas, ça. Il y a le côté financier aussi, là. On vient chercher dans nos poches pour ce divertissement-là, puis. C'est pas toute la vérité qui sort. Ben c'est parce que tout ce qu'il va dire par la suite, tu vas dire, il protège ceci. Ben oui. Tu sais, c'est. Ouais. Mm-hmm. Je suis d'accord. Ouais. Moi, j'avais le goût ensuite de peut-être aborder des sujets provenant du public, à moins que tu aies d'autres choses, toi. Non, ben non, on peut y aller. OK. D'ailleurs, on n'a pas eu de réponse pour notre proposition de transaction. Là. Vous êtes plate, le monde. Écoute, l'autre fois, ça avait levé, pas là. Bon, malheureusement. Question du public. Il y a Sylvain Rioux, notre ami, qui nous demande « Quels joueurs vont changer de statut avec l'arrivée de Claude Julien? » On en a parlé un peu plus tôt, mais on peut refaire un rap de tout ça. Il y a clairement Plekanec, il y a clairement, tu sais, dans le côté négatif, négatif, qui vont débarquer, j'espère du moins. On va avoir que quelqu'un comme, Jacob Delarose, et j'espère que ça va se replacer pour Galchenyuk et pour Patrin dans la formation du Canadien de Montréal. Galchenyuk a vraiment plus de chances que ça se replace. Patrin, ouais. Je pense que oui, parce qu'il fit dans le style. Un def défensif qui est quand même physique. Je pense que Julien va l'aimer. Mm-hmm. Sinon, autre question du public, c'est Nicolas Thibault. Là, j'ai fait comme... T'es sûr, là? J'ai dit, oh oui. Qui nous demande, le monde va recommencer à tourner à quelle heure? Éclipse médiatique, hein? Ben, c'est vrai que dans les médias, il y a juste ça qui se passe avec le congédiement de Michel Therrien et l'embauche de Claude Julien. Okay, ouais. Dans ce sens-là, mais j'ai trouvé ça très long. J'ai fait comme, ben là, on va en parler, là. Oh, petite merde! Non, mais c'est... Ça, c'est un chum, hein? Ouais, mais c'est vrai aussi que depuis l'annonce, là, mon Facebook, c'est que ça. Et que quand je dis que ça, c'est que même du monde qui écoute pas le hockey en parle. Ben oui. C'est juste ça. C'est une bombe, dans le fond, carrément. Ouais. surveiller toutes les petites entreprises qui ont congédié du monde, puis des affaires comme ça. C'était le moment. Bon, ben écoute, c'était ça. C'était les questions du public. Et ben c'est ce qui complète le show de cette semaine de la POC. C'était un show un peu particulier, vu la situation. À partir du prochain épisode, ben, on va revenir plus à la normale, où est-ce qu'on analyse les pour, les contre, les bons coups et les travers du Canadien de Montréal et des médias qui découvrent. Mon nom est J.B. Gagné. Je sais que vous le savez. J'étais accompagné de Jerry Godbout, que vous pouvez retrouver sur le web. Sur Twitter, @Godbout25. Sur Facebook, Jerry Godbout. Venez me parler de hockey avec moi, c'est bien nice. J'aime bien, bien ça. C'est le fun de parler de hockey. Yes. Sinon, on peut aussi me retrouver sur le podcast Les Geeks sont parmi nous, une fois de temps en temps, quand ça me tente. Donc, c'est pas mal ça, je pense. J'ai pas d'autres présences sur Internet. Si oui, ben c'est pas moi. Donc, n'acceptez pas. Ce sont des fraudeurs. Sinon, toi aussi, j'imagine que ta présence sur l'Internet est partout. Ben oui, je suis sur Twitter, @gangj_b, où est-ce que même les plus grands des médias québécois me retweetent. Ouais, oui, ouais. C'est vrai. Hein, le 91.9 cette semaine. J'ai eu une micro-discussion avec Bob, pas Bob McKenzie, mais Pierre Lebrun. Ben écoute, cool. Fait que c'est nice, la vie. micro-discussion genre... Il a répondu à un de mes tweets, puis c'est tout. Mais c'est correct. Je me sens comme un... Je suis un de ces grands chums, tu sais. fait que c'est ça. Sinon, sur Facebook, je vais gagner. Ajoutez-moi. C'est toujours agréable de discuter de hockey. J'anime aussi le podcast de la réalité augmentée, qui est un podcast sur les jeux vidéo et le cinéma en général. Aussi, ben pour la POC, nous sommes sur Twitter, @LaPocPodcast. Sur Facebook, cherchez la POC, le podcast. Vous allez nous trouver, c'est sûr. Venez discuter avec nous, c'est toujours très agréable. Nous avons un site internet qui s'appelle lapoc.net et nous vous invitons à nous laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes pour nous permettre de sortir plus en avant dans les charts. Nous remercions aussi les différentes plateformes comme RZO Web et sportradio.ca de nous permettre d'être diffusés sur sur la plateforme. Les gens qui dînent avec nous sur Sport Radio, nous étions encore une fois très heureux de vous avoir de la partie. Et nous vous remercions d'avoir été encore une fois aussi nombreux. Et n'hésitez pas à venir jaser avec nous, nous poser des questions, nous donner vos commentaires. C'est toujours hyper agréable. Merci, Jerry. Merci, Joué. Merci à moi-même. Je fais tellement de bon job. Je vous dis à la prochaine fois. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao, là.